Je suis le regret qui vous émeut. Je suis les rides au coin de vos yeux. Je suis ce nœud auquel personne n'échappe. Je suis cette force qui vous sape. Je suis ces larmes qui coulent. Je suis le vent, la pluie, la houle. Je suis ce cœur solitaire. Je suis votre unique adversaire. On peut me combattre, tout est vain, mais qui ne tente rien n'a rien. Je suis universel et omniscient. Je parle anglais, espagnol, allemand. Regardez derrière vous, vous me trouverez peut-être déguisé en une de vos conquêtes. Je reviens le soir, très souvent, reprendre le moindre de vos sentiments. Et toutes ces traces que je vous laisse, n'y voyez aucune paresse, ne sont que des miettes de vos histoires, débiles et bien dérisoires. Je suis la montre, je suis l'horloge, je suis trop souvent en avance, je suis l'aiguille. Faites-moi confiance à ma mission, jamais je ne déroge. Je suis sournois, je suis bien caché. Vous ne pourrez jamais me trouver. Je frappe souvent au moment opportun. Je frappe quand vous vous y attendez le moins. Et vous, en tant qu'humain, imbécile et bien anodin, ce que vous avez trouver de pire pour me battre, c'est vos souvenirs. Des photos négligemment posées, des fonds d'écran sur vos PC. Quelques sourires bien artificiels, quelques sourires qui cachent l'essentiel. Je suis la force incontrôlable,